Осмик кассет. Это телефон, а это магнитофон. There's no one available, so leave a message. A message in a machine that is so complicated, it goes far beyond man's imagination into an area that probes the inner depths of one's own soul. What the hell am I talking about? Leave a message. Cosmic Quartet? Bienvenue sur Cosmic Cassette numéro 22. On commence l'émission par un petit enregistrement effectué sur les bords du Mississippi par moi-même il y a un an, un peu plus. Voilà, j'étais à la Nouvelle-Orléans. Du coup, j'ai ramené 2-3 cassettes aussi. Et je vais en passer quelques-unes dans l'émission au milieu d'un tas d'autres cassettes qui ont pas grand chose à voir. Là on entend le bruit d'un bateau à vapeur qui faisait de la musique, mais à ce moment là je crois que je savais pas encore ce que c'était. J'étais en train de le pister avec Étienne depuis le parking près de Kentucky Street, près du pont en fait. Voilà quoi, Nouvelle-Orléans, ville de jazz, bon aussi un peu ville de noise et ville d'un tas d'autres trucs, mais bon je suis resté qu'un mois et demi et du coup je suis entré en contact avec un peu des gens de la scène indé et tout, mais c'était pas, enfin c'était vers la fin quoi, du coup j'ai pas trop sympathisé quoi. Et bref, mais c'était cool, c'était super, enfin les débuts de ces contacts là étaient cool, j'ai vu des bons concerts de noise. Mais bon, j'ai quand même vachement plus entendu du jazz. Thank you. dance in the rain, you shake it, and you break it. You're a gun, you turn on this wall. That's a date, break, you turn against the wall. Better grab it before it falls. I'm going to wave bay, and I won't be back no more. You shake it, you break it, you turn against the wall. You better catch it before it falls. La Preservation Hall Jazz Band, une fanfare typique de New Orleans, enfin, si on en croit le nom, quoi, un peu, quoi. Preservation Hall Jazz Band sur la cassette New Orleans volume 2. Bon, voilà, quoi, ambiance gros jazz dans les rues et tout, ça rappelle les souvenirs, ça rappelle l'odeur du whisky. Et l'odeur du whisky et de la bière, la pale ale, et je sais plus qu'est-ce que ça rappelle d'autre, la pluie aussi et le froid quand même, faut dire. Et voilà, quoi, les verres fluo et les gens qui jouent dans la rue à fond. Ce qui est cool, du coup, ça circule, quoi, les flux monétaires. Je sais pas, j'ai un peu compris un peu ce qu'il voulait dire par flux monétaire, je crois. Un point de vue mystique, un peu aussi. Enfin, bref. Là, on passe à totalement autre chose. C'est une cassette de Ronan Rioux et Marion Moll qui est parue chez Indian Redhead en 2015. Moi, je l'ai acheté en 2017, début 2017, juste après le voyage à la Nouvelle-Orléans. Lors de la tournée de Tournico Tape avec Antoine, on était passé par Bruxelles, à Uccle, même exactement. Du coup, voilà, à coup, il m'avait vendu quelques cassettes, et notamment celle-là. Voilà, et c'est le voyage avec Jean-Marie, elle s'appelle cette cassette. Et j'imagine que c'était avant qu'il s'appelle, je crois, Jean-Marie, merci mec. Enfin, c'est un nom de groupe. C'est deux personnes, mais ils s'appellent comme ça aussi, je crois. Je les ai vus à Lyon sous ce nom-là. En forêt de montagne, nous rencontrons le Perse-Noix moucheté, amateur de noisettes. Oh, yeah. Another cassette. C'est toujours dans la cassette. Ouais, je mélange un peu, j'ai mis aussi une cassette des oiseaux. Du coup, cette cassette, c'est un peu plein de collages et tout, ça c'est cool à écouter, genre l'hiver, même l'été, remarque. Mais bon, comme là, j'écoute l'hiver, et c'est calme, et en même temps, c'est un peu n'importe quoi, c'est rigolo. C'est généreux, quoi, en tout cas. Bon, bah voilà, on va enchaîner ce morceau qui commence à faire flipper. Coin de rue, mais peut-être pas la Nouvelle-Orléans, enfin je sais pas trop. Plutôt ambiance Chicago, mais bon, j'ai quand même acheté la cassette à la Nouvelle-Orléans. Vous allez comprendre. Ambiance gangsta jazz. Voilà, c'est une cassette d'un mec, c'est The Migrant Street Musician, Saxophone Improvisation by Sweet Mac. C'est un type, ça devait être sa cassette promotionnelle, quoi. Il y a un petit dessin de lui avec un sac à dos, un chapeau, des lunettes, une canne et un saxophone, et un short, et des ranjos, genre, en mode voyageur, quoi. Backpackers. Et du coup, voilà, je l'avais trouvé dans un vide-grenier, je sais plus dans quelle rue. Mais il y a souvent des petits vide-greniers genre improvisés comme ça. Mais c'est vraiment les États-Unis, mais comme dans les BD de Dan Cloves un peu. Je sais pas si vous voyez. Ça m'a pas tant surpris quoi. Ça m'a surpris plutôt de me dire ah mais je connais déjà quoi en fait. Mais j'avais pas compris. Non, j'avais jamais compris. Et du coup. On va passer juste après à un autre groupe aussi américain, un groupe de New Orleans qui s'appelle Fisher Cat, que j'avais acheté dans un petit disquaire un peu rock'n'roll quoi. Du coup c'est... je me rappelle plus comment c'était quoi le disquaire. Attends, faut le dire quand même. C'était... Ah bah non, je l'avais acheté à Domino Sound. Ah bah je pensais que je l'avais acheté dans un truc. Bah, je l'avais acheté à Domino Sound Records, un peu le gros disquaire cool quoi. C'est Fisher Cat avec la chanson Joey and the Park. C'est un truc psychédélique. Cosmic Cassette. Cosmic Cassette. Bon, ok, c'était pas psychédélique, mais c'est juste que ça raconte, enfin d'après ce que j'ai compris en regardant les paroles dans la pochette, que ouais, je sais pas, c'est Joey, il est au parc, au City Park de New Orleans, du coup j'imagine, vu que c'est un groupe de New Orleans, et du coup il a pris des acides et il voit des alligators. Bon, il doit y avoir encore plus d'humour que ça, moi je comprends rien en vrai à l'anglais, mais ben voilà, c'est rigolo, c'est marrant. Enfin, nous, on était aussi pas loin du City Park à un moment donné. Du coup, voilà, il y avait aussi des acides et des animaux bizarres. Du hula hoop, avec des lumières. Et il y avait aussi des keufs. Il y a un commissariat encore. C'est fou, il y a plein de gens qui aiment les oiseaux. Hein. Sur les cassettes, là, par exemple, c'est la fin du truc de punk, il y a un enregistrement d'oiseaux. Et sur Jean-Marie Mercimec aussi, il y avait des oiseaux. Et moi-même, je mets même des oiseaux. Là, on écoute Denis Stenback. Ah merde. Du coup, Denis Stenback, belle pochette quoi. Dommage que vous la voyez pas. C'est voilà quoi. C'est Denis Stenback et son orgue. Je sais pas, un orgue à deux claviers. Ça s'appelle Auf Wiedersehen Thierry. Cassette. Bonjour tout le monde. Imaginons une entreprise moderne. Cosmic Cassette. Cosmic Cassette. Cosmic Cassette, c'est aussi le... la possibilité de préparer vos voyages dans un fauteuil. Une entreprise moderne. Bonjour tout le monde. Imaginons une entreprise moderne. Cosmic Cassette. Cosmic Cassette. Cosmic Cassette, c'est aussi le voyage. Ou plutôt, la possibilité de préparer vos voyages dans un fauteuil. En direct, de chez vous. La Floride est le pays des oranges. C'est pour ça que nous voulons y aller et récupérer suffisamment de jus de fruits pour tout le monde. On écoutait The Brian Johnston Massacre tout à l'heure là. Et du coup voilà, c'était la chanson Memory Mix. En fait c'est une cassette que j'ai achetée, une cassette originale que j'avais pas, qui sortait des cassettes, ça m'a fait plaisir. Surtout parce que je suis pas un gros fan de BJM, mais par contre j'aime bien cette cassette, il y a quelques morceaux vraiment que j'aime beaucoup, dont celui-là, Memory Mix, qui est bien groovy. Du coup yo quoi. Bio, les PJM, et voilà, et là on écoute Bruno Sphère. Ben cette cassette j'ai aussi chopé à Bongo Joe lors de la tournée Tourniquetape, comme celle de BJM finalement. Voilà, c'est Kaka Kids Record qui l'a sorti, et BJM c'est Burgers Record, spécialiste du rock. Je crois qu'elle était un peu ralentie, mon magnéto il est comme là. Et en suivant, on écoutera S.E. Roddy avec la chanson Nyalima Nyapoy. Et c'est la cassette qui s'appelle The Sound of S.E. Roddy. Et c'est en fait, c'est même pas marqué sur la cassette, mais bon, moi j'avais acheté à Domino Sound Record à New Orleans. Et je crois que c'est eux qui l'ont fait quoi. C'est une réédition. C'est un mec de la Sierra Leone, je crois. Célèbre l'indépendance. Voilà, Bruno Sphère, il y a marqué, je sais plus, c'était marqué musique pour dormir, quoi, je sais plus. Guitare sédative. Yeah. Você está escutando o Cassete Cósmico. Cosmic Cassette. C'est Sun City Girls, la reprise de la Lambada. Mais ils l'appellent pas comme ça, eux. Ils l'appellent Dogun Dogen Space Lullaby. Et c'est sur la compile Here Comes Everybody qui est paru chez Mississippi Records en je sais pas quelle année d'ailleurs. Et c'est une compile quoi, avec plein de trucs. Et j'ai acheté ça aussi à Bongo Joe à Genève. Et ouais, le coucou, ouais. Merci le coucou, c'est le réveil des oiseaux, la cassette de fond, c'est. Ouais, c'est un enregistrement de. C'est pas un mix quoi, c'est vraiment un enregistrement quoi. Il précise que c'est pas un mix. Et juste avant, c'était Fred Velvet, j'ai oublié de dire, le truc punk super cool. Là. Et la chanson, c'était Psycho Roller Coaster, paru chez. Wow, je sais plus. Paru chez Maximum Pelt Record de Chicago. Ah bah, c'est pas paru de Chicago, voilà. Libre Geckler qui est paru chez Full Body Massage Record en 2015. Cassette un peu chelou avec du piano et tout. Et là c'est Dream Machine paru chez Econor en 2015 aussi. Et ces deux dernières cassettes je les ai achetées à Xvinilo du coup en 2015 je pense. Xvinilo, magasin Rabastens, vinyle et cassettes. Des posters et t-shirts. Café. Cosmic Cassette. Ça, je l'avais acheté dans un magasin de disques avec beaucoup de cassettes aussi. Vraiment downtown, je sais plus quelle rue c'était, à Nouvelle-Orléans. C'est Music of the High Hand, Fiestas of Peru. C'est vraiment une cassette vraiment trop bien d'enregistrement du Pérou. Quoi. Enfin, vraiment pur enregistrement. Et là, c'est une fanfare et c'est trop fou parce que. Enfin, voilà, ça ressemble à une fanfare de la Nouvelle-Orléans. En fait. As fitas cassete são registradas no computador e enviadas pela internet. Cosmic Cassette, mit einem Rundfunkbänder gemischt. Baladure. C'est la dernière cassette qui est sortie, mais bon, c'est un vieil album. C'est le tube. À coup. Among the deep, come up, walk on, lift it up beside. Take me down. Cosmic cassette. The wave moves forward, but the medium, or carrier of the wave, only vibrates around an equilibrium position. Cosmic cassette. Ouais, on va se quitter. Là, on vient d'écouter The Golden Eagles, Lightning and Thunder, une cassette qui sont des enregistrements des Indians, qui sont des gens costumés Mardi Gras et tout. J'ai pas vu, moi, je suis parti juste avant. Dommage. Et là, on va se quitter avec DJ là-bas, un enregistrement que j'ai fait moi-même, je sais plus, en mars, à Saint-Étienne, mars dernier. Cosmic Cassette, on se quitte, on se dit à bientôt, avec sans doute des invités, un invité en tout cas, ou une invitée. Allez, ciao. Ladies and gentlemen, we interrupt our short time to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. Cosmic Cassette. Sia nibingelela makawe, sinifisela inkonzo ende. Rolls complete and the pitch is programmed.